L'autre jour m'a pris l'envie d'aller voir mon Isabio. L'autre jour m'a pris l'envie d'aller voir mon Isabio. J'ai mis ma plus belle chemise et mon grand vilain chapiot. Que l'amour cause de peine, que l'amour cause de maux. J'ai mis ma plus belle chemise et mon grand vilain chapiot. Je fourris dans ma pouchette 3-4 douzaines de pruneaux. Que l'amour cause de peine, que l'amour cause de maux. Je fourris dans ma pouchette 3-4 douzaines de pruneaux. Ouvre-moi ta porte, la belle, je suis un gars comme il faut. Que l'amour cause de peine, que l'amour cause de maux. Ouvre-moi ta porte, la belle, je suis un gars comme il faut. Mais la pièce était mouillée et j'ai chu sur le cariot. Que l'amour cause de peine, que l'amour cause de maux. Mais la pièce était mouillée et j'ai chu sur le cariot. Dans ma grande relevaille, j'embrassais mon Isabio. Que l'amour cause de peine, que l'amour cause de maux. Dans ma grande relevaille, j'embrassais mon Isabio. J'avais la roupie au nez, ça lui jaillit sur le museau. Que l'amour cause de peine, que l'amour cause de maux. J'avais la roupie au nez, ça y jaillit sur le museau. Sa mère qui était par derrière me dit, grand vilain salaud, que l'amour cause de peine, que l'amour cause de maux. Sa mère qui était par derrière me dit, grand vilain salaud. Crois-tu donc ma fille est faite pour te torcher les nasios? Que l'amour cause de peine, que l'amour cause de maux. Crois-tu donc ma fille est faite pour te torcher les nasios? Pour défâcher la bonne femme, j'y donne tous mes pruneaux. Que l'amour cause de peine, que l'amour cause de maux. Que l'amour cause de peine, que l'amour cause de maux.